Il est déjà minuit ? Non, il n'est pas encore minuit. Les invités sont déjà là ? Non, ils ne sont pas encore là. Le repas est déjà prêt ? Non, il n'est pas encore prêt. Le film a déjà commencé ? Non, il n'a pas encore commencé. Vous avez déjà fini ? Non, je n'ai pas encore fini.